Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les théories de la migration et quelle a été l'approche interdisciplinaire sur ce grand fait de société, s'interroge François Héran. Qu'est-ce que la nouvelle économie de la migration? Agrégé de philosophie, longtemps démographe sociologue à l'INSEE et l'INED, François Héran, titulaire de la chaire Migration et Société, se partage désormais entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration. Que fuient les Vénézuéliens aujourd'hui? La misère ou l'insécurité? Faut-il parler d'une migration politique ou économique? François Héran interroge la notion de calcul chère aux économistes et s'attache à rendre la complexité des ressorts de la migration. Comment entre en jeu la recherche de l'émancipation d'un monde meilleur? Il montre notamment que la dichotomie entre le politique et l'économique n'est pas si simple quand les Vénézuéliens cherchent un environnement plus sûr alors que leur propre pays s'écroule. Dans une interview récente donnée au journal du CNRS fin 2018, François Héran revient sur son riche parcours qui donne bien des clés à son attachement à ne pas tout simplifier. Et je le cite. « J'ai découvert le sujet des migrations en 1976. Après des études de philosophie, j'ai fait une thèse d'anthropologie sur les transformations de la grande propriété agraire en Andalousie depuis le XVIIIe siècle. Ce qui m'a amené à m'intéresser aussi aux micropropriétaires qui vivaient en marge du système et qui, à cette époque, étaient nombreux à émigrer. » J'ai étudié surtout les facteurs qui poussaient à l'immigration les habitants de 8 villages de montagne dans l'arrière-pays de la Costa del Sol. Ce que j'ai découvert m'a surpris. Les plus pauvres, les analphabètes, les chargés de famille, migraient peu ou seulement au sein de la région. C'étaient les plus instruits, les plus jeunes, qui migraient au loin vers la France ou l'Allemagne. À l'époque, peu de travaux existaient sur la migration et les grands sociologues français comme Pierre Bourdieu, Raymond Boudon ou Alain Touraine ne l'abordaient guère, si ce n'est parfois à travers le prisme de la pauvreté. On ne parlait d'ailleurs pas d'immigrés, mais d'étrangers. C'est seulement à partir de 1993, quand j'ai pris la tête de la division des enquêtes et des études démographiques de l'INSEE, que j'ai retrouvé le sujet des migrations que je n'ai plus quitté depuis. Mon équipe élaborait les grands indices démographiques de la France et notamment le solde migratoire. Notre travail n'était pas simple à l'époque. C'était juste après la chute du mur de Berlin, novembre 1989, et des rumeurs persistantes annonçaient l'arrivée massive de migrants depuis l'Est de l'Europe. Pourtant, on avait beau scruter les indicateurs, on ne voyait rien venir. Pour la première fois, j'ai touché du doigt le décalage qui pouvait exister entre les craintes sur l'immigration et la réalité statistique. Dans le cours précédent, François Héran a présenté les travaux majeurs du démographe Douglas Massé, qui a rassemblé de nombreux travaux sur les ressorts d'immigration dans une approche interdisciplinaire qui a fait date. Il a notamment présenté dans ce premier cours la théorie néoclassique et l'apparition du capital humain. Qu'est-ce que l'indicateur de migration potentielle de Gallup et comment analyser le désir de migrer ? Et nous gagnons le Collège de France le 17 janvier 2019 pour le cours de François Héran, Pourquoi migrer, 4e opus. Michel Foucault, dans un cours qu'il a professé en mars, le 14 mars 1979, c'est repris dans la série des cours intitulée Naissance de la biopolitique. Dans ce cours du 14 mars 1979, Michel Foucault, c'est très tôt en 1979, fait une présentation de la théorie du capital humain.

Et c'est le coût de l'information qui est devenu décisif. Et de nos jours, c'est une phase nouvelle du cycle, les nouvelles technologies, évidemment, contribuent à réduire considérablement le coût de l'information. Je vous ai projeté ici le livre de Michel Héribou, qui ne parle pas de la migration, hein, mais qui est le premier grand livre. Il y a également un livre de Jean-Jacques Rosa, le premier grand livre écrit en français sur la théorie du capital humain. Michel Héribou était l'élève notamment de Jacob Mintzer. Et Jacob Mintzer, c'est l'homme qui, le premier, à partir des années 60, 1962, écrit un article sur la migration, centré vraiment sur la migration et le capital humain, sur un thème très précis. La décision de migration est une négociation qui est négociée entre les conjoints. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît évident que les modèles de décision doivent prendre en compte le ménage, et notamment un des grands chercheurs français qui est installé aux États-Unis, c'est Chiappori, est un grand spécialiste des modèles qu'on appelle des modèles collectifs. Mais en réalité, ces modèles collectifs, c'est essentiellement la négociation au sein du conjoint. Au fond, Mintzer se pose la question de savoir, mais qui va migrer de l'homme ou de la femme? Qui va perdre, qui va gagner à la migration? Comment faire en sorte pour que les deux puissent gagner? Tout ce genre de questions. Et le pouvoir de négociation va évidemment dépendre des ressources des uns et des autres. Aujourd'hui, on parlerait d'une analyse de genre, car c'était déjà ça, finalement. Et c'est assez frappant de voir que la capacité de négociation des femmes dans un certain nombre de modèles, c'est souvent les économistes qui l'ont abordé avant les anthropologues ou les sociologues. Alors, je vais ici m'interroger sur la question de savoir si, finalement, les économistes versent dans l'économisme un peu naïf, et j'évoquerai notamment les positions de Bourdieu à ce sujet. Est-ce que les économistes versent nécessairement dans l'économisme ? Sont-ils assez naïfs ou assez cyniques, car ils essuient tour à tour les deux reproches, pour s'imaginer que dans l'esprit du migrant et de tout un chacun, finalement, l'unique but de l'existence consisterait, à la suite d'un calcul coût-bénéfice, à viser la maximisation de son revenu sur un marché plus rentable? C'est comme ça que sont présentées, évidemment, les théories économistes de la migration. Et en fait, les économistes à l'esprit large, ça existe, j'en connais. Et là, la question n'est pas de savoir est-ce qu'ils sont orthodoxes ou pas orthodoxes. Il y a quand même beaucoup de discours sur le caractère orthodoxe ou pas orthodoxe des économistes, à partir aussi d'un certain niveau de maîtrise technique. Je dirais presque que la question disparaît un peu. Enfin, elle ne disparaît pas, mais je ne sais pas, est-ce que Piketty est orthodoxe ou pas orthodoxe? Il maîtrise les outils économétriques qui lui permettent de publier dans les grandes revues internationales. Au fond, c'est un peu ça le critère. Donc, je voudrais un peu sortir de cette dichotomie qui me paraît vraiment trop simpliste et pas correspondre à la réalité des recherches. Donc, les économistes à l'esprit large, même s'ils sont d'inspiration néoclassique, savent que la maximisation des revenus n'est qu'une composante possible, une composante évidemment centrale, mais pas exclusive, d'une maximisation qui est plus générale et qui est la maximisation de l'utilité, qui n'est pas la même chose que le revenu. Finalement, ils sont capables d'intégrer dans le concept d'utilité des considérations telles que la satisfaction de vivre en famille, le bénéfice d'un environnement juridique plus sûr pour mener en confiance des projets de long terme, y compris les projets pour la génération suivante. Le fait de pouvoir vivre dans un pays qui garantit un minimum de liberté, ça fait partie de l'utilité qu'on peut chercher à maximiser. On peut pouvoir migrer pour profiter de cet avantage-là. Et puis, par exemple aussi, l'existence d'équipements collectifs de meilleure qualité, qui est également un atout. Et tout ceci fait partie de l'utilité telle qu'un individu peut la concevoir au sens large. L'augmentation du revenu n'est souvent pour l'économiste qu'un indicateur, approché, un proxy, comme on dit dans la discipline, d'un accroissement plus général de l'utilité. Et comme le disait Adam Smith dans un passage qui est cité par Hirschman, Albert Hirschman, dans son grand livre sur la passion et les intérêts, un très beau livre, qui n'est pas prime read, comme le disait Adam Smith, améliorer sa situation matérielle et financière, c'est le moyen le plus commun d'améliorer son sort. Et Smith disait que c'est un peu vulgaire, au fond, comme façon d'améliorer son sort. Mais enfin, ce qui compte derrière la hausse du revenu, c'est d'obtenir un minimum de considération. Et il y a cette idée-là que le revenu, finalement, c'est un indicateur de la considération qu'on peut obtenir dans une société comme la nôtre. Bon. Et c'est tout le problème de l'articulation entre la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith et son livre sur la richesse des nations. Alors, la notion de calcul, la notion de calcul appelle une remarque analogue. On peut railler assez facilement le postulat d'un acteur économique qui est censé effectuer un calcul coût-bénéfice avant de s'engager dans la migration ou toute autre activité risquée. Et avec sa fameuse formule sur les eaux glacées du calcul égoïste, Marx a donné un bel exemple de la critique romantique du calcul rationnel. La citation complète, c'est « La bourgeoisie a noyé les frissons de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste ». Mais les économistes néoclassiques n'ont nul besoin de postuler que l'acteur doive sortir sa calculette pour comparer en bonne et due forme les coûts et bénéfices de leurs actions. L'essentiel, c'est que l'acteur compare des solutions possibles. Il procède à une estimation, même si elle est sommaire, même si elle est biaisée, même s'il n'a pas les instruments adéquats pour le faire. Et à tort ou à raison, le candidat à l'immigration sera davantage enclin à émigrer s'il estime qu'il y gagne plus qu'il n'y perd. S'il estime qu'il gagne plus à se lancer dans la migration qu'à ne pas le faire. Et ce qui compte pour l'économiste, ça va être finalement la structure des préférences révélée après coup par l'analyse empirique des migrations. De la même façon que sur le marché matrimonial, ce sont les unions conclues qui révèlent la structure des choix. Alors, un mot à propos de la prise de décision. On sait depuis l'Antiquité à quel point les grandes décisions de l'existence peuvent être à la fois réfléchies et irréfléchies. Un exemple canonique, c'est César franchissant le Rubicon. Le franchissement du Rubicon par César, c'est l'exemple type de la décision mûrement réfléchie, etc. Et en même temps aussi un peu impulsive. Alors, on a un très beau récit. Donc, le Rubicon, c'est ce petit fleuve qui sépare la Gaule cisalpine de l'Italie, et César, revenant de Gaule avec son armée, s'il franchit ce fleuve, lance la guerre civile, la conquête du pouvoir contre Pompée. C'est ça le franchissement du Rubicon. Bon. Et il sait qu'en accomplissant ce geste, il va entamer la conquête du pouvoir et prendre le risque de la guerre civile. Alors Plutarque, dans les vies parallèles, décrit la décision de César à peu près dans les termes suivants. César hésita longuement. Plusieurs fois, il consulta ses généraux. Plusieurs fois, il changea d'avis. À la fin, comme mu par une impulsion subite, il lança son cheval. Ah, c'est ça l'exemple de la décision. Alors, si vous regardez la version par Suétone, là, c'est complètement farfelu. Il y a des prodiges qui interviennent. C'est Plutarque qu'il faut lire. Plutarque est toujours beaucoup plus intéressant que Suétone pour expliquer les agissements des acteurs. Et c'est là qu'il lance la fameuse formule « les dés en sont jetés ». Donc, alliage acta est, mais en fait, il les a prononcés en grec, anarithokibos, parce qu'il savait l'anglais. Donc, est-ce que la décision de franchir le Rubicon était rationnelle? Eh bien, bien malin qui peut le dire, à commencer par César lui-même. Certes, ça semble suivre le modèle aristotélicien de la décision, le modèle de la décision mûrement réfléchie, qui est inspiré du modèle de l'Assemblée parlementaire. On examine le pour et le contre, on délibère et puis finalement on vote. Mais c'est finalement quand même une impulsion subite qui finit par trancher. Et on trouve des récits tout à fait analogues dans les témoignages littéraires des migrants. Et je ferai un jour une séance sur tous les témoignages littéraires des migrants. Il y a très très nombreux récits là-dessus. Il y a quand même une séquence assez fréquente. C'est presque une espèce de théorie. C'est la séance où le migrant, finalement, brûle ses vaisseaux, vend tous ses biens, rend la décision irréversible. Par exemple, la décision qu'il faut vendre ses biens pour payer le passage. Évidemment, une décision très grave. Et on a longtemps opposé les théories de la décision et les théories de la délibération. Il faut évidemment les unifier, et un certain nombre d'économistes s'y sont employés. Je ne vais pas entrer dans le détail. Alors, un parallèle intéressant peut être fait avec la théorie de l'intérêt dans la sociologie de Pierre Bourdieu. Alors, de temps en temps, je me fendrai un peu de quelques digressions comme ça, philosophiques ou économiques, parce que je pense que c'est important de pouvoir replacer toutes ces théories dans un cadre un peu plus général pour savoir ce dont on parle. Et la confrontation des auteurs est toujours quelque chose d'intéressant, je trouve. Bourdieu a régulièrement pris pour cible la définition de l'intérêt promue selon lui par les économistes. Mais il a lui-même donné une énorme importance à la notion d'intérêt. Cette vision qui jugeait beaucoup trop étroite de l'intérêt chez les économistes, il a opposé une définition élargie de l'intérêt, qui serait capable de couvrir tout l'éventail des enjeux définis dans chaque univers de concurrence, ce qu'il appelait le champ. Et donc, ce qui fait courir l'intellectuel n'est pas ce qui fait courir le banquier, avait-il coutume de dire. Enfin, ils courent l'un et l'autre dans une sorte de lutte darwinienne généralisée, et c'était là pour Bourdieu autant de formes d'intérêt, de libido, d'illusion, enfin, il a beaucoup joué sur tous ces termes, et avec des analogies qui étaient toujours possibles d'un champ à l'autre. Alors, je ne pense pas qu'on force le trait en soulignant que la sociologie de Bourdieu visait foncièrement à dévoiler la présence de l'intérêt caché, à dévoiler la présence de l'intérêt caché au cœur de chaque comportement. Et Bourdieu prenait un malin plaisir lorsqu'il parvenait à débusquer la logique de l'intérêt dans des sphères qui se targuaient de pratiquer le désintéressement, comme le champ artistique, le champ religieux, le champ philosophique, les relations de parenté, etc. Et derrière la logique libérale, grand seigneur, du don gratuit, cher à Marcel Mauss, il y avait toujours pour Bourdieu l'espoir plus ou moins avoué d'un retour sur investissement, quitte à ce que le retour se fasse sous une autre forme, quitte à ce que le retour accroisse le capital de relation, et que donc le sacrifice économique se convertisse en un gain en relation, quitte aussi à laisser passer suffisamment de temps pour que le retour attendu ne prenne pas la forme d'un calcul d'intérêt. Donc il y a tout un jeu là-dessus. Et les relations familiales n'échappaient pas à cette logique de l'intérêt. Bourdieu citait, moi ça m'avait toujours frappé, très souvent, lorsqu'on lui parlait de relations de parenté, l'oncle à héritage. C'est-à-dire l'idée qu'on fréquente dans toute l'arborescence de la parenté, et les consanguins, les alliés, on a tendance à fréquenter les gens dont on attend quand même quelque chose, dont on espère quelque chose, soit de leur vivant, soit à titre posthume. Et donc ce parent avec qui on cultive les liens dans un espoir de retour, voilà, quand je voyais le film Le Viager, je trouvais que tous les personnages qui gravitaient autour de Michel Serrault étaient très bourdieusiens. Bon, il y a contre cette vision des choses, il y a la vision de plusieurs auteurs, hein, disaient, mais il y a peut-être quand même dans la vie des occasions où on fait des choses pour rien. Par exemple, on peut s'occuper d'un vieux parent, même s'il ne vous laissera absolument aucun héritage, ou peut-être plutôt des ennuis que des avantages. Il arrive quand même que dans la vie, on fasse quelque chose sans espoir de retour, et c'est même assez fréquent dans les relations familiales, et pas seulement. Et alors là, il faut lire, et j'avais déjà commencé à le citer, le très beau livre d'Albert Hirschman sur les passions et les intérêts. C'est un livre publié en 1977, et Hirschman montre comment, dès la fin du XVIIe siècle, les moralistes français, dont La Rochefoucauld est un bel exemple, avaient pris un malin plaisir à dégager le ressort égoïste des actions, qui étaient en apparence les plus altruistes. Vous savez que La Rochefoucauld, c'est une œuvre collective, hein. Il y a tout un groupe de personnes qui vont écrire plusieurs livres. La Rochefoucauld va aligner le plus grand nombre de maximes, mais c'était tout un groupe qui discutait en commun et qui avait fait cette grande découverte, c'est que l'intérêt mène le monde et que derrière toutes les actions les plus intéressées, ben, il y a toujours... vous pleurez à l'enterrement de quelqu'un, c'est sur vous-même que vous pleurez, quoi. Et donc, avec la crise du système aristocratique de l'honneur, on découvre que l'intérêt est omniprésent, non seulement dans le commerce des biens, mais dans les relations sociales. Et avec cette conséquence positive, montre Hirschman que, pour les gouvernants, les comportements intéressés, eh bien, ce sont des comportements prédictibles, à la différence des comportements passionnels, comme les passions religieuses, par exemple, hein, on pense au radicalisme maintenant, les passions guerrières, etc. Au moins, l'intérêt, c'est quelque chose qui permet de prédire la conduite des gens et qui accroît leur gouvernabilité. Et là encore, Foucault, dans le cours que j'ai cité, évoque aussi toute cette théorie du doux commerce que Montesquieu notamment avait promue. Mais je pense que c'est dans le livre d'Hirschman qu'on a la plus belle présentation de cette évolution. Comment, dans toute la typologie des passions, des péchés capitaux, etc., ce qui était avidité, appât du gain, soif de l'or, etc., devient peu à peu honorable en prenant le nom d'intérêt et devient une passion acceptable dans la vie sociale et aux yeux des gouvernants. Sur la question de l'intérêt ou désintéressement, de la possibilité ou non d'une action désintéressée, sur l'omniprésence ou pas des décisions irrationnelles, je vous renvoie au cours qui avait été professé ici il y a une dizaine d'années par John Elster. John Elster était professeur au Collège de France et ses cours sur l'intérêt et le désintéressement se sont soldés par deux ouvrages publiés au Seuil dans la collection Le Nouveau Monde où il revient sur ces questions. Alors, La Rochefoucauld, lui, se défendait d'avoir réduit les comportements à des intérêts bassement matériels. Et dans la préface à la seconde édition des Maximes, il explique « Quand je parle d'intérêt, je ne veux pas dire seulement intérêt de bien, je veux aussi dire intérêt de gloire. » C'est la formule de La Rochefoucauld. Et donc, la générosité n'est qu'une forme déguisée de l'amour propre. Et voilà, par exemple, ceux qui veulent mourir au monde, qui se mortifient, aspirent encore à une gloire mondaine, mais sublimée, dirait-on maintenant, de nos jours, et ainsi de suite. Donc la dénonciation de l'intérêt au désintéressement ou du sacrifice intéressé va être centrale. Ça va des moralistes du genre La Rochefoucauld, ça va jusqu'à Nietzsche, qui est un grand lecteur de La Rochefoucauld. Max Weber est tout à fait dans cette idée. Le grand sociologue allemand se range dans cette idée. Tout ceci pour dire que la critique de l'économisme ne saurait se réduire à la critique de l'acteur économique calculant son intérêt bien compris. On pourrait juger après tout qu'une sociologie, comme celle de Bourdieu, qui emprunte systématiquement le vocabulaire de l'économie pour objectiver les comportements, les pratiques, eh bien, verse elle-même dans une sorte d'économisme. Les textes de Bourdieu sont profondément imprégnés de concepts économiques, intérêt, capital, sous ses différentes formes, capital culturel, capital économique, capital social, sens du placement. Marché des biens symboliques, profit de distinction, bénéfice, rendement, etc. Tout ce vocabulaire truffe les textes de Bourdieu. Et alors évidemment, dire « j'utilise tout ce vocabulaire économique, mais je ne fais pas d'économisme, parce que j'ai une vision élargie de l'intérêt », ce n'est pas si simple que ça de distinguer cette approche de ce que font les économistes par ailleurs, qui eux-mêmes, quand ils parlent d'intérêt, ont finalement une vision beaucoup plus large qu'on le dit. Donc, qu'est-ce qui sépare vraiment les deux approches? Et est-ce qu'on peut vraiment, quand on est sociologue, faire les économistes plus bêtes qu'ils ne sont pour pouvoir faciliter la critique? C'est une question que je me pose et que je me pose aussi à propos des migrations. Bon, vous savez peut-être, évidemment, toute cette partie-là de l'œuvre de Bourdieu, enfin toute cette orientation intéressée, a été très critiquée notamment par les sociologues ou les anthropologues anti-utilitaristes, incarnés notamment par Alain Caillé. Alors, ce qui différencie la science économique des autres sciences sociales, en réalité, ce n'est pas le fait que l'économie postule l'intérêt comme principe de raison suffisante des pratiques, c'est le fait que pour objectiver ce ressort à des fins de démonstration, eh bien, les économistes recourent à des mesures monétaires ou recourent à des équivalents monétaires, des proxys monétaires, c'est ça dont ils ont besoin pour leur démonstration, y compris des choses assez subtiles comme le coût d'opportunité, ce qu'on perd à ne pas faire ce qu'on aurait fait normalement, ou bien d'autres succès d'années. Donc il ne faut pas confondre l'économisme substantiel et un économisme qui est essentiellement d'outillage de démonstration par les économistes qui vont utiliser des équivalents monétaires à des choses qui sont étudiées par ailleurs par les anthropologues ou les sociologues. Collège de France et France Culture vous présentent le démographe sociologue François Héran, Pourquoi migrer ? Voilà, alors fort de ce détour rhétorique, nous pouvons revenir à la question des migrants. Je ne l'ai pas perdu de vue. Et s'ils se décident à migrer, est-ce par pur intérêt ? Peut-on distinguer radicalement une migration intéressée qui serait strictement mue par le calcul économique d'une migration qui serait non économique ? ou qui, par exemple, serait une migration pour améliorer le sort de ses enfants. C'est quoi? C'est une migration intéressée? Là, les économistes ont déjà prévu tout ça. Le fait qu'il y a des formes d'égoïsme qui sont altruistes, ou il y a des formes d'altruisme qui sont égoïstes, si vous intégrez l'idée que l'acteur économique peut être, comme disait Becker, une dynastie, une lignée familiale, et pas simplement un individu isolé. Donc, évidemment, si vous qualifiez de politique la volonté d'échapper à la persécution, le désir de liberté et de sécurité, qu'est-ce qui est économique, qu'est-ce qui est politique dans le désir de sécurité? Qu'est-ce qui est économique, qu'est-ce qui est politique dans la volonté de pouvoir se retrouver dans un environnement sûr, où vous n'avez pas, le pouvoir faire une razzia sur vos économies dans la banque où vous avez déposé vos économies, c'est des choses qui se pratiquent. La corruption, échapper à la corruption, est-ce que c'est une migration économique ou politique? Voter avec ses pieds, comme on le fait au Venezuela depuis le Venezuela actuellement, c'est quoi? C'est une migration économique ou politique? L'incurie du régime a été telle que maintenant, il n'y a plus eau, ni électricité, ni gaz, ni rien. Et à ce moment-là, il n'y a plus de médicaments pour les enfants, il n'y a plus de vaccination possible. Alors, chaque jour, vous avez 70 000, 80 000 personnes qui franchissent le Puente Internacional Simón Bolívar, qui est le grand pont qui relie la Colombie au Venezuela. Et là-dedans, vous avez une petite partie des gens qui vont vraiment migrer à l'extérieur. Mais beaucoup, c'est pour simplement trouver de quoi se nourrir, vacciner, se soigner, etc. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une migration économique ou politique? Alors, au début, il n'y avait que les riches qui migraient, qui quittaient le Venezuela. Aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est les pauvres. On estime, à l'heure actuelle, selon les derniers décomptes qui ont été faits aux frontières, que la migration hors du Venezuela, c'est plus important que la migration hors de Syrie. Donc, ça vous donne une idée aussi, sans guerre civile. Sans guerre civile ouverte. Et là, c'est un exemple du caractère tout à fait insatisfaisant de la dichotomie entre migration économique et migration politique. Il y a du calcul dans la migration politique, comme il y a du calcul dans la migration économique, il y a de la contrainte, il y a du choix. Enfin, comment voulez-vous démêler tout cela? Alors, la deuxième théorie qui a été examinée par Douglas Massey dans sa revue de l'art, c'est ce qu'il appelait la nouvelle économie de la migration. Enfin, l'expression existait déjà. Et qu'est-ce que c'est que la nouvelle économie de la migration? Bon, je vais vous le dire tout de suite. Pour moi, la nouvelle économie de la migration, c'est une variante, en réalité, du modèle néoclassique, mais à qui on attribue le mérite d'avoir remis en cause le caractère irréaliste de l'approche néoclassique. Et son principal promoteur, dans les années 90, fut le chercheur israélien Oded, O-D-E-D, Stark, S-T-R-K. C'est en tout cas ainsi qu'il est reconnu dans la revue des théories de la migration due à Douglas Massey. Alors, les économistes que j'ai interrogés sont moins affirmatifs à ce sujet, sur le caractère vraiment innovant qui a été apporté par Oded Stark. Que fait Oded Stark? C'est un auteur extrêmement imaginatif, très productif, qui sont rendus un peu insupportables aux yeux de ses collègues, mais ça c'est fréquent dans les professions, c'est pas un signe très distinctif. Et du coup, c'est très difficile d'avoir une vision objective et neutre de l'apport d'Oded Stark en la matière. Donc moi je lis, je connais pas le personnage, je le lis, et j'essaie de comprendre en quoi il se distingue ou pas des auteurs que j'ai précédemment cités. Oded Stark insiste d'abord sur le fait que la décision de migrer n'est pas le fait d'un individu isolé, mais résulte d'une décision familiale. Et c'est considéré comme étant son principal apport, alors que, je l'ai souligné, Jacob Mintzer avait déjà développé toute une théorie de la négociation entre conjoints sur la décision de migrer et qui pergagne dans le couple à migrer. Stark insiste ensuite sur le fait, c'est un deuxième apport qui n'a rien à voir avec le précédent, que le ressort de la migration n'est pas simplement l'écart net de revenus entre zone d'origine et zone de destination, mais que c'est la perception du revenu relatif au sein de la société de départ. Est-ce que mon revenu est en train de s'écarter anormalement ou injustement du revenu de mes voisins? Et si je constate que tel ou tel de mes voisins a migré et puis revient en grand seigneur dans les vacances, achète les terres environnantes, embauche des salariés pour cultiver les terres à sa place, etc., je me dis pourquoi lui et pas moi. Hein ? Vous relisez Othello et vous apercevez que le vrai jaloux, c'est pas Othello, c'est Iago. Pourquoi a-t-il été nommé lieutenant et pas moi ? C'est lui le vrai jaloux dans Othello. Bon, eh bien, Odette Stark, c'est pareil. Il a compris que le revenu relatif, la comparaison de vos revenus avec les revenus des autres, ça peut se faire dans la société de départ. Mais en réalité, ce qui se passe avec le voisin migrant qui a réussi, dont la vue vous insupporte parce qu'il a réussi ce qu'il n'a pas réussi, ben, c'est une information sur les écarts de gain entre la société de départ et la société de destination. Sauf que l'information est incarnée par une personne qui revient régulièrement ou est incarnée par l'achat d'une affaire, de terre, etc., qui va faire en sorte que cette information, elle n'est pas simplement là à distance, elle est matérialisée sous vos yeux, ce qui la rend évidemment beaucoup plus impressionnante et décisive. Donc, c'est les conditions dans lesquelles l'information est obtenue qui sont modifiées, c'est ça l'apport de Stark à cette partie-là de la théorie. Donc, ces considérations, la famille comme unité de décision, la prise en compte du revenu relatif, la comparaison de vos revenus sur place et pas simplement avec, directement avec le pays de destination, sont évidemment précieuses, mais très franchement, je ne pense pas qu'elles nous fassent sortir du modèle néoclassique élargi, et déjà suffisamment élargi. Je crois qu'il serait plus juste de dire qu'elle spécifie davantage le modèle et donc en améliore le pouvoir explicatif. En réalité, le passage de l'individu à la famille comité de décision, je l'ai dit, a été accompli déjà à partir d'une thématique initiée par Jacob Mintzer, mais Gary Becker lui-même, dans un très grand article, qui est un de ses articles les plus cités, c'est vraiment une des œuvres les plus citées de Gary Becker, un article de 1965 sur la théorie de l'allocation du temps. La théorie de l'allocation du temps, c'est comment, en fonction de mon capital humain, de mes opportunités, ben, je vais arbitrer entre, ben, par exemple, valoriser mon diplôme sur le marché du travail ou passer du temps à élever mes enfants. Hein, ce genre d'arbitrage-là, c'est un objet donc du grand article de Becker sur la théorie de l'allocation du temps. Et la théorie dite aujourd'hui du modèle collectif de décision, c'est Pierre-André Chiappori, est un développement, comme Chiappori lui-même le reconnaît, il a publié un article de reconnaissance d'hommage à Gary Becker sur cette question-là, est clairement perçu comme un élargissement de l'héritage de Becker. Donc, le passage du revenu absolu au revenu relatif permet finalement de saisir par quelle médiation concrète le candidat potentiel à la migration peut estimer l'ampleur des écarts de gains avec le pays de destination. On reste dans la logique strictement économique des comparaisons de revenus. Voilà finalement ce qu'a apporté essentiellement la nouvelle économie de migration. Et pour ma part, j'ai beaucoup de peine à comprendre, mais de cette manière, c'est en quelque sorte un développement de la théorie néoclassique qui permet aux anthropologues ou aux sociologues de critiquer la néoclassique en faisant comme si c'était un développement extérieur. En réalité, tout ce qui est souvent présenté comme étant toute une série de théories différentes, les modèles de gravité, les modèles push-pull, la théorie des systèmes migratoires, je vous en parlerai, macro, micro, tout ça, en réalité, c'est finalement très souvent une même famille de modèles. J'en reparlerai de façon plus précise encore tout à l'heure. Alors, nous allons parler d'un sujet qui est évidemment fondamental dans la théorie de la migration, c'est qu'en fait, l'objectif de la théorie de la migration, c'est d'expliquer pourquoi tout le monde ne migre pas. Pourquoi certains migrent et d'autres pas. Et finalement, pourquoi la migration est sélective. C'est le grand terme. Il y a une sélectivité de la migration. N'importe qui ne migre pas. Et il faut regarder, essayer de comprendre quelles sont les ressources, ou quelles sont les ressources individuelles, familiales, collectives éventuellement, qui font que certains vont migrer et d'autres pas. Et donc, le phénomène migratoire, c'est un peu une espèce de concours où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais avant d'étudier le processus de sélection, essayons de regarder un petit peu les faits. Est-ce qu'on a une idée du décalage entre les intentions de migrer et les réalisations ? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, qu'il suffirait pour cela d'aller interroger les intéressés, au pays de départ dans différentes régions du monde. Eh bien, on dispose depuis une dizaine d'années d'un indicateur mondial construit par l'Institut Gallup, qui est présent dans le monde entier, qui a des filiales dans le monde entier. Et j'avais déjà évoqué ces données l'an dernier, mais je vais y revenir de façon plus précise. C'est un indicateur de migration potentielle, un indicateur du désir de migrer, qui a été construit à travers toutes sortes d'enquêtes. Gallup fait des enquêtes sur toutes sortes de sujets, mais en profite pour introduire des questions systématiques dans tous ces questionnaires. Et il y en a une série de questions qui portent sur le désir de migrer. Et le rassemblement de ces questions permanentes reprises dans toutes les enquêtes, c'est ce que Gallup appelle le Gallup World Poll, le sondage mondial de Gallup. Poll, P-O-2-L. Au cours des années 2015-2017, plus de 450 000 adultes d'au moins 15 ans ont été interrogés par Gallup. C'est incroyable, hein ? Ça n'existait pas quand on était jeune chercheur à l'INED avec Catherine Gokalp, on n'avait pas d'enquête mondiale sur des thèmes comme ça. Ces enquêtes mondiales se sont développées depuis. Donc 450 000 adultes d'au moins 15 ans, échantillonnés dans 152 pays différents, ont été interrogés par Gallup, et ces 152 pays réunissent 99% de la population mondiale, donc c'est très, très largement représentatif. Et ils ont été invités à répondre à la question suivante. Dans l'idéal, si vous en aviez l'occasion, aimeriez-vous quitter votre pays pour vivre en permanence dans un autre pays ? Ou préféreriez-vous rester dans votre pays ? Alors, je vous lis la formule anglaise, parce qu'évidemment, ça a été traduit. Il y a toujours des problèmes de traduction dans ces... Ideally, if you had the opportunity, would you like to move permanently to another country or would you prefer to continue living in this country? Donc, ideally, dans l'idéal. Si, if you had the opportunity, si vous en aviez l'occasion. Et la dernière vague de réponses a été publiée en décembre 2018, donc tout récent. Venir au cours du Collège de France, c'est quand même s'informer sur l'actualité toute chaude. Eh bien, cette enquête révèle qu'en moyenne dans le monde, 15% des personnes âgées d'au moins 15 ans choisissent la première option. Oui, si elles en avaient le choix, elles préféreraient émigrer plutôt que de continuer à vivre dans leur pays. Alors, extrapolé sur la population mondiale des adultes, ces migrants potentiels, c'est ainsi que Gallup les qualifie, représentent 750 millions de personnes. Je rappelle que la migration actuelle dans le monde, c'est à peu près 260 millions de personnes et pas 750. C'est donc quatre fois plus que les migrants actuellement recensés dans le monde d'après les compilations de l'ONU. Alors la proportion varie d'une région du monde à l'autre. Elle culmine à 33% de la population adulte en Afrique subsaharienne, ce qui est évidemment considérable. Elle était déjà de 31% dans les vagues d'enquête précédentes, parce qu'en gros, tous les 5 ans, Gallup compile ses données et actualise. Et c'est un chiffre que n'ont pas manqué de citer les essais qui s'alarment du potentiel migratoire de l'Afrique, comme celui de Stephen Smith sur la ruée vers l'Europe, que j'avais évoqué la fois dernière. Mais la surprise vient de l'Europe. 21% des adultes vivant dans un pays de l'Union européenne émigreraient s'ils en avaient la possibilité, d'après Gallup. C'est quasiment autant que l'ensemble Amérique latine-Caraïbe, où la proportion est de 21% aussi. Et le désir d'émigration est encore plus répandu chez les adultes européens vivant dans les pays extérieurs à l'Union européenne. Russie, Ukraine, Biélorussie, Serbie, Bosnie, tout cet ensemble, 27% des adultes, selon l'indicateur de Gallup, ben oui, préféreraient quitter définitivement leur pays plutôt que de continuer à vivre dans leur pays. Et alors la surprise est à son comble quand on descend à l'échelle de chaque pays. Les Européens qui affichent dans l'enquête Gallup la plus forte propension à immigrer, toujours dans les années 2015-2017, sont les Italiens. 32% des Italiens aimeraient bien migrer s'ils en avaient l'occasion, soit autant que l'Afrique subsaharienne. Malgré le gouffre qui sépare les niveaux de vie respectifs, parce qu'en gros, le niveau national brut par tête est 25 fois plus élevé en Italie qu'en Afrique subsaharienne, c'est 40 000 euros contre 1 400. Bon. Alors, Gallup n'a publié que le haut du classement, et donc je ne peux pas vous dire quel est le taux en France. J'avais essayé de le savoir. C'est quelque chose qui ne doit pas être très loin de la moyenne des 20%. L'Italie est citée parce qu'elle est dans le haut du tableau. Mais si la moyenne mondiale se situe seulement à 15%, finalement, c'est une moyenne assez basse par rapport à ces chiffres, c'est en raison des faibles niveaux enregistrés en Asie. en Asie orientale ou en Asie du Sud, où la part de la population adulte rêvant d'émigrer ne dépasse pas 8%. Alors ça s'explique par le fait que vous avez la Chine et l'Inde, qui pèsent de tout leur poids dans ces deux ensembles. Et je l'avais expliqué dans ma leçon inaugurale, les géants démographiques sont tellement gros que finalement ils émigrent très peu. Vous prenez l'Indonésie, les États-Unis qui en font partie, vous prenez le Nigeria, vous prenez la Chine, vous prenez l'Inde, il y a quelques pourcents. La Chine, c'est même pas 2% de la population chinoise qui a émigré. Alors évidemment, ça fait de grosses diasporas chinoises tout de même, puisqu'ils sont 1,330 milliards, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est la migration interne qui permet effectivement de satisfaire les désirs de migration. Et donc, les Indiens ou les Chinois n'ont pas globalement un désir de migrer très fort. Donc, en moyenne, l'Asie n'a que 8% de désir de migration ou de rêve de migration, vu la formulation de la question. Alors, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a examiné attentivement l'avant-dernière vague des données recueillies par Gallup sur le désir de migration. Donc, il y a une équipe de recherche de l'Office international des migrations, qui était une agence intergouvernementale et qui est devenue récemment une agence de l'ONU. Ils ont eu accès aux détails des données de l'Institut Gallup pour essayer de voir ce qu'il en était de ce désir de migration. Et ils ont exploité les deux questions suivantes, que je n'ai pas encore citées, qui sont quand même assez différentes et qui disent... Alors, ce n'est pas une question sur le désir, c'est une question sur le projet. Je vous lis ça en anglais d'abord. « Are you planning to move permanently to another country in the next 12 months or not ?» Donc, avez-vous, projetez-vous, are you planning, projetez-vous de déménager de façon permanente, d'aller dans un autre pays dans les 12 prochains mois. Alors, quand on pose cette question dans les 12 prochains mois, on se rapproche d'une question sur les flux, non plus sur les stocks. Et ça, c'est important techniquement. Et donc, fatalement, les chiffres vont baisser rien que pour ça. Et cette question-là, elle est posée uniquement pour ceux qui aimeraient quitter leur pays. C'est une question qui est conditionnelle. Ceux qui ont dit « oui, si j'en avais, dans l'idéal, si j'en avais l'occasion, j'aimerais émigrer », on leur demande « mais alors, est-ce que vous projetez de le faire dans les 12 prochains mois ?» Et là, il y a 10% des 15% qui disent « oui ». Donc, ça fait plus que 1,5% de la population mondiale. 15% disent « oui, dans l'idéal, j'aimerais bien émigrer ». Ah oui, mais dans les 12 prochains mois, là, il n'y en a plus que 1,5%. Et puis, il y a une question suivante, qui est encore plus rude, sur les préparatifs qu'on pose à ceux qui ont répondu oui à la question précédente. Have you made any preparation for this move? Est-ce que vous avez entamé des préparatifs pour ce déménagement? Donc, c'est uniquement posé à ceux qui ont un projet à 12 mois. Et il y a un tiers des 1,5% qui ont dit oui, j'ai commencé mes préparatifs. Un tiers de 1,5%, c'est 0,5%. Donc au total, le magnifique indicateur de migration potentielle de Gallup, qui est publié régulièrement, qui fait les unes des journaux, qui nous rend des comptes, l'Afrique subsaharienne, mais finalement, quand on dit, bon, mais c'est sérieux, vous allez faire ça dans les 12 mois, et vous avez commencé à faire des préparatifs, il n'y a plus que 0,5% de la population mondiale qui dit oui. Donc ça veut dire qu'il y a non seulement loin du désir à la réalité, mais qui est même loin du désir au projet. Hein, puisque du désir au projet, déjà, on ne garde plus qu'un dixième des personnes. Donc, vous voyez, ces questions gigognes, là, sont intéressantes. Sur le plan technique, évidemment, l'effondrement des chiffres d'une question à l'autre, quand on passe du désir latent à la formation des projets pour les 12 mois qui viennent, ça tient évidemment aussi au fait qu'on passe finalement en fin de compte, d'une analyse de stock, il y a du désir latent en stock, à une donnée de flux, c'est-à-dire on passe du vaste réservoir des désirs au flux annuel des intentions fermes. Il est difficile donc d'estimer l'ampleur du flux des nouveaux migrants qui se mettent en mouvement chaque année. Mais alors, comparons donc ce chiffre au pourcentage de gens qui chaque année migrent. Je vous ai toujours dit qu'il y avait 260 millions de migrants dans le monde actuellement, mais on ne connaît pas très bien le nombre de personnes qui s'engage dans une nouvelle migration année après année. Parce que ces données de départ, de flux, il y a une quarantaine de pays dans le monde qui ne les ont pas, dont la France. Et donc, on est obligé de faire des estimations. Et ce que font les chercheurs, c'est de faire des coupes à intervalles réguliers dans la statistique des stocks pour essayer d'en déduire des flux. Quelque chose qui peut se faire techniquement. Il y a une tentative récente, celle de Guy Abel, c'est un Anglais, et il estime que finalement les nouveaux migrants représente chaque année dans le monde à peu près 40 millions de personnes. Et 40 millions de personnes, c'est 0,5% de la population mondiale. Donc là, les gens qui s'apprêtent à migrer, qui ont commencé les préparatifs pour migrer dans les 12 mois, selon Gallup, ça correspond effectivement au flux annuel des nouveaux migrants qu'on a chaque année. Donc vous voyez que la question devient réaliste quand on la pose. Ça veut quand même dire que les questionnaires, c'est très important de réfléchir à leur formulation. Hein. C'est une donnée évidemment fondamentale. Trop souvent, on oublie qu'il suffirait parfois d'ajouter quelques indications un peu concrètes pour que, voilà, je pense par exemple à toutes ces questions sur la réputation des institutions. Hein, qu'est-ce que vous pensez de l'école, de l'armée, de la justice, etc. Eh bien, il y a un écart considérable entre la réponse à ces questions-là, qui en général sont très négatives, à « bon, mais votre collège et vous, vous avez eu affaire à la justice, comment ça s'est passé, etc. etc. » Et là, quand on pose des questions concrètes sur ce qu'on a vraiment expérimenté, les taux de rejet, de refus des institutions baissent considérablement. Donc, l'expérience directe, concrète, c'est autre chose qu'une idée générale qui, elle, est très informée par le débat public, par les médias, par etc. Alors, quel sens donner, en fin de compte, un indicateur de migration potentielle construit par l'enquête mondiale de l'Institut Gallup? Eh bien, au fond, il mesure l'image positive attachée à certains pays phares, à commencer par les États-Unis, qui focalisent à eux seuls 21% des désirs de migration exprimés de par le monde. C'est suivi du Canada et de l'Allemagne, 6% des désirs, de la France et de l'Australie, 5% des désirs mondiaux de migration dans la première question sont dirigés vers la France. C'est plus que la Grande-Bretagne, 4%. Bon, mais enfin, dans cet ensemble, la France occupe une place à peu près proportionnelle à son poids dans les grandes démocraties occidentales libérales, alors que l'Australie et le Canada, 6%, exercent sur les cerveaux un pouvoir d'attraction qui excède largement leur poids démographique. Ça, c'est évidemment intéressant. Et on note par ailleurs que le référendum favorable au Brexit, survenu donc en juin 2016, a fait chuter de 18% le nombre de personnes aspirant idéalement à vivre en Grande-Bretagne. Mais le rêve de migration capté par Gallup, c'est avant tout une mesure de l'insatisfaction profonde éprouvée par les populations à l'égard de la situation de leur propre pays. Les quelques pays où plus de la moitié des adultes, les pays que plus de la moitié des adultes souhaiteraient abandonner, ben, sont des pays en détresse. En tête, vous avez la Sierra Leone. 71% des habitants de la Sierra Leone aimeraient bien vivre ailleurs. Le Libéria, 66%. Haïti, 63%. L'Albanie, 60%. Alors ça, c'est un des gros problèmes, une grosse intrigue. Que se passe-t-il en Albanie? Toutes ces vendettas à répétition, une justice incapable de faire régner la justice ou l'ordre, etc. Le fait que les Albanais sont encore si nombreux à chercher à migrer et à présenter des demandes d'asile, ça intrigue beaucoup. L'Albanie fait partie des pays que les adultes souhaiteraient abandonner le plus. Le Salvador, 52%. Le Congo, Kinshasa, 50%. Et puis, très proche derrière, dans la zone des 49 à 46% d'adultes souhaitant quitter le pays, vous trouvez le Ghana, la République dominicaine, le Nigeria, l'Arménie, le Honduras, la Syrie. Vous voyez que la Syrie, malgré sa guerre civile, n'est que là, en quelque sorte. Et le Kosovo. Alors, évidemment, franchement, on peut nourrir quand même des doutes sur la capacité de l'Institut Gallup à mener des enquêtes représentatives fiables, face à face ou en ligne, dans des territoires qui sont dévastés par la guerre civile, qui sont dévastés par la violence étatique, la violence privée, la corruption, les exactions de toutes sortes, la ruine des institutions, les catastrophes naturelles comme Haïti, chacun de ces facteurs, évidemment, pouvant exacerber l'expression des autres. Donc, je ne sais pas trop comment Gallup fait pour faire des enquêtes dans de tels environnements. Enfin, il faut s'attacher au profil général des résultats plus qu'aux détails par pays. Et l'indicateur de migration potentielle de Gallup nous montre, à contrario, que le désir de migrer exprime un jugement plus qu'une volonté, un diagnostic plus qu'un projet. Et ce jugement est relatif au cadre national de référence nationale ou régionale au sens des régions du monde. Dans la vague d'enquête menée autour de l'an 2010, l'Italie se situe encore dans la moyenne européenne des aspirations à migrer, autour de 20% d'adultes. Est-ce un hasard si elle a grimpé à 33%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après l'enlisement de la grande coalition de centre-gauche menée par Enrico Letta, on ne s'en souvient plus, en 2014, puis l'échec du gouvernement Rienzi en 2016, il faudrait évidemment mener une étude plus précise pour tester ce genre d'hypothèse liant la montée du sentiment de défection, ou si on préfère, le désamour à l'égard de son propre pays, à l'absence de perspectives sociologiques crédibles. Ce qu'on soupçonne plus sûrement, en revanche, c'est que le haut niveau des aspirations à migrer, observable chez les Européens de l'Est, mais aussi les Européens de l'Ouest, atteste le rêve d'une alternative, changer de pays, puisqu'on ne peut pas changer le pays. Et dans la triade des options conceptualisées en son temps par Albert Hirschman, exit, voice et loyalty, c'est-à-dire partir, protester en restant sur place, ou se tenir à carreau, eh bien, le rêve de l'exil volontaire, évidemment, semble être une forme minimale de voice, de protestation, qui emprunte à peu de frais le langage de l'exit. C'est ça qui rend l'analyse un peu difficile, puisqu'en réalité, le début du passage à l'acte, la préparation effective du départ, s'observe en moyenne chez un rêveur sur 30. 0,5% des adultes par rapport à 15%. Donc il ne s'agit même pas de voter avec ses pieds pour contester l'état insupportable du pays, mais d'imaginer que ce serait tellement bien de pouvoir voter avec ses pieds. Donc la migration est un comportement fortement et sévèrement sélectif. Et quand on compare les probabilités d'émigrer depuis diverses régions du monde, on s'aperçoit qu'elles ne s'étagent pas de la même façon que les rêves de migration. Et c'est là que je voulais en venir. Si les aspirations sont au plus haut niveau en Afrique subsaharienne, comparées au reste du monde, parce qu'on a conscience que la situation n'est pas normale, mais les taux d'émigration observés, même dûment majorés pour tenir compte de la migration illégale, sont très en deçà. Ce n'est pas un tiers des subsahariens qui émigrent, mais aux alentours de 3%, soit 10 fois moins. En revanche, les rêves de migration des habitants d'Europe orientale tendent à se rapprocher des taux d'émigration effectifs. À l'heure actuelle, et je l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois, 22% de la population des Balkans anciennement communistes, Roumanie, Serbie, Kosovo, etc., vivent à l'étranger, illustrant le fait que les pays en cours de développement ont à la fois de fortes aspirations à migrer et, de plus en plus, les moyens de les combler. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le démographe sociologue François Héran, sa série « Pourquoi migrer ?». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à la Découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons ce cours en compagnie de François Héran. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.